Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'Abba, bienvenue pour un nouveau numéro de musique éclectique, aventureuse et... Et boutie, hein, parce que et ça va guincher. Très boutie. Ça va guincher. C'est une soirée clubbing, carrément. Ça fait longtemps qu'on l'a sous le coude, cette émission. Ça fait longtemps qu'on a envie de vous faire découvrir plein de sons qui nous font bouger les fesses et autre chose lors de soirées très très chaudes en Pays de l'Orient. Eh bien, pas manquer, c'est ce soir. C'est le grand soir. On commence tout de suite par... Par Apollo Brown avec Hassan McKay. Sur l'album Daily Breed, on va s'écouter le morceau Higher. Secret du son d'Abba, c'est là. Another J lit, mixed with some hope on my focus, scoping the same shit. Blurred, in a dream I deferred, from a nightmare curve. Riding on a road with no swerves, merged to everything my mother said. Written in crayon form and letterhead. Just me, myself, and I listener, who took it literal through the loss of my sister. Radio feeds and transistors couldn't give you the same distortion of this ride. Rims hit curves, life's like tide when inside the merciless things the hood hides. It ain't just stories for shot value, played at large volumes. All doomed to be out soon, shouldn't have to be this way. I need a round two, cause shit ain't been the same without you. It's like you're taking me higher, but you keep bringing me lower. Taking me higher. Barely could think straight, my family could do what the drinks came. Disarray with the weight of the galaxy, worth the planet still in between his shoulder blades. Sanity, we losing amidst the moving. New standard made in a handful of days. Stamina raised up and a formulated characterized. No related dead in my eyes scenario, but semi-synthetic savior. Still in the business, a soul seizure, the sound rapist I describe as an idolized demon. I find whatever sit in between it behind the lines. Sleeping audience, sign of a lyricist these days. Still dreaming cause dreaming seem real enough for me to cope with. When real life get explosive, I devoted myself to culture, not rap. I consider myself a sculptor, not that. I drop back like Deion Sanders, stuck analyzing a game I used to play from behind a desk, and it ain't the same. I'm accepting change. Yeah. It's like you're taking me higher, but you keep bringing me lower. Taking me higher. Apollo Brown dans le secret du son d'Abba, c'est pas une grosse nouveauté, mais par contre, ce grosse balle de nouvel album qui vient de sortir là en cette fin d'année 2011 avec un acolyte cette fois-ci. Voilà, alors Apollo Brown, on commence à le connaître. C'est quelqu'un qui nous vient de Détroit, c'est un fanatique de la soul de son quartier, j'ai envie de dire, hein. Il puise ses samples dans justement l'inépuisable ressource de la soul afro-américaine, des échantillons lumineux, moelleux, parfois mélo, toujours savoureux. Voilà, c'est ce qu'on aime chez lui. Et c'est vrai qu'on l'avait repéré, repéré c'est un bien grand mot, du moins on l'a pris en chemin sur l'album de Reset, où il invitait tout un tas de ses camarades à venir poser leur flow sur ses instrumentaux. auparavant, enfin, ce que ça nous a permis de remonter vers l'album de, qu'il avait fait avec The Regiment, puis de descendre avec le trio qu'il forme avec deux autres acolytes pour, qui s'appelle The Left, un album avec une personne qui s'appelle Book Brown, et puis le voici avec un New Yorkais, donc Hassan McKay. Voilà, et bon, il n'y a pas grand chose à ajouter hein, dans les discographies, si ce n'est que voilà, on est vraiment sur cette gimmick très, très soul, à vraiment ces samples très. Assez classique finalement dans le hip-hop américain, mais fait avec une classe vraiment évidente et qui à chaque fois fait mouche en fait. Et c'est vrai ça. qu'on aurait pu croire que la recette s'épuise assez rapidement parce qu'on l'avait entendu il y a très très longtemps. Et là, que le fait de la faire revenir au goût du jour, en fait ça faisait grave. Et là, finalement, on s'en lasse pas quoi. Exactement, et c'est vrai, on s'en lasse pas. On poursuit, on quitte l'Amérique et on part directement. Au Congo, on va beaucoup en parler du Congo peut-être dans cette émission. On va passer un bon bout de temps en Afrique, je crois, dans les minutes qui suivent. Et on démarre avec le projet DRC Music. DRC Music, on en parle actuellement jusque sur France Info. Mmh. Et je dis ça parce que j'ai entendu un reportage sur France Info, mais ce qui suppose qu'on en parle dans beaucoup de médias de grande audience. Donc je vais pas m'étaler sur la présentation du projet menée par l'inévitable Damon Albarn, qui a emmené avec lui énormément de monde parmi des gens les plus intéressants du moment en électro, house, mais pas que, mais je pense notamment à des gens comme Actress qui sont vraiment au cœur de l'actu et de la nouveauté. Gennaro Jarrell aussi par exemple, pour ne parler que d'eux. Il a emmené tout ce monde là pendant un temps relativement réduit, quelques journées seulement à Kinshasa. Grosse session d'enregistrement avec une grande flopée d'artistes locaux. Ça donne un album éclectique, mais moi je trouve tout à fait brillant. Ouais. Qui met une grosse mandale à pas mal de productions soul, électro-soul, etc. Un peu sans âme, voilà. Sur la vague, et là, on est fait l'air. J'irais même jusqu'à dire, même un certain nombre de choses, parfois des albums qui sont préparés pendant 5 ans. On connaît un certain nombre de groupes, Massive Attack, pour ne pas les citer, qui passent un temps fou sur certaines productions. Je veux dire, là, ça s'est fait en très très peu de temps, et il y a des trucs qui sont pour moi des morceaux quasi des classiques. Moi je suis en tout cas un gros mordu de ce disque qui s'appelle Kinshasa 1-2, produit donc, publié par Warp Records avec un reversement de tout ou partie des fonds, enfin évidemment j'imagine une essentielle en tout cas des Damon fonds. Damon Albarn n'a pas besoin d'argent. Ouais non mais je veux dire il y a toujours besoin de pognon pour la production, oui, etc. Billets d'avion. C'est pour ça que je dis tout ou partie. Donc à l'association Oxfam. Hein, donc très très joli projet. On va s'écouter l'extrait qui s'appelle A Congo avec un artiste qui s'appelle au chant qui s'appelle Jupiter Bonkodi avec une voix tu vas voir une voix vraiment d'outre monde, vraiment l'Afrique qui pas vraiment l'Afrique qui tortille du derche, toi, comme dans les cartes postales, mais plutôt une Afrique vraiment consciente, concernée, avec des vraiment assez ténébreuse, avec souligné par une sorte d'électrodub assez crépusculaire. Bah, vraiment très très beau morceau qu'on va s'écouter tout de suite. DRC Music dans le secret du son là-bas. Bandaka, Bamon Anzelate. Oyo baza koya. Baza komon Anzelate. Mboko ya Congo. Ressources na yango. Bachaka yango wapi. Bamemaka yango wapi. Bongo biso tokolia nini. Exploitation Tina moi les pinières Tina kata forêt équatoriale Tina kata oh Zambé Nangaï Oyo Kadiso Mawa Kosala Nini Namokili Mboka ne vous allez les plus riches du monde Mais tous à Koko Fanzala Elini Koloba Lokola Motalali na Matela bourré de dollars Mais à Zaboko Fananzala, Mboka Nangaï. Batu Bazak Indépendance, Baboumi Mboka, Batiki Bisso Nakata Souffrance. Y'a ba génération en génération Tokanisa ki ke bango Bako sala bien Mais bako mimboka Ah Congo Mboka ya bakoko Mboka ya bana na biso Bata ko sise yango Mbongo nango kendeke wapi Botisaka mbongo ango wapi Otonga kaka bandako na poto Ah, mboka na ngai To sala nini pa to soufriri boye Ah, Congo Ah, Congo Ah, Congo Ah, Congo Kuduro, Kuduro, Kudur, comme ils disent. Dans le secret du son d'Abba, on en a déjà passé, on en repasse. Alors que le mouvement explose complètement en Europe, là, c'est les soirées s'enchaînent sur Paris. Et le secret du son d'Abba est dans le coup. Bah ouais, enfin bon, à Lorient, ça va, on est plutôt peinards, et je crois qu'il n'y a que nous qui en parlons, mais peut-être ouais, bah, un petit peu là. C'est chaud, chaud, chaud, chaud, chaud. Quoi. C'est chaud, chaud, chaud. Donc on rappelle que le mouvement est né en 96, hein, il y a quelques années maintenant, et que voilà, il a complètement explosé dès que au milieu des années 2000 et que il prend une forme de grosse vague là sur les dance floors, et enfin il sort en tout cas de la communauté angolaise et portugaise pour ben voilà, pour balayer les dance floors de toute l'Europe et du monde entier, voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Alors c'est vrai que dans le grand mix, comme on dit chez Nova, on peut rapprocher ça de certains mouvements africain, américain, européen, je pense notamment à la ghetto house, tu vois, qui voilà, avec l'ambiance putassière un petit peu marquée, assez proche donc de cet univers du Kuduro, et pas étonnant donc de retrouver Jess et Crab, qui sont deux vieux de la vieille de la scène parisienne, qui ont traîné leur guette justement dans cette scène house French Touch, mais au meilleur sens du terme, côtoyer évidemment les Daft Punk, etc. Et puis qui nous signe cette sélection de morceaux qui s'appelle Jason et Crab Present Berserk African Digital Dance, donc qui est sorti sur le, pour ceux qui ont suivi un petit peu le mouvement techno, qui est sorti sur un label suisse qui s'appelle Mental Groove, qui avait contribué à lancer Miskitine par exemple, Eddie Hacker, et qui s'y met sur le Kuduro, mais avec justement ce lien à la house que Mental Groove a défendu depuis de longues années. Et on poursuit avec le Kuduro avec un extrait de la deuxième compilation qu'avait produit Frédéric Galliano. Frédéric Galliano, et je te rejoins parce que Frédéric Galliano est lié à FCOM, il avait été cofondateur de FCOM dans les années 90, avant de se barrer, avant que le bateau coule. Et il était parti à travers divers projets en Angola, il avait rencontré des personnes, on était en 2003-2004, et puis il était tombé lui aussi sous l'effet magique du Kuduro, et il avait monté dès 2006 son Kuduro Sound System, où il avait lancé carrément différents MC, Pinta Tietru, Doug Mouras, Pay Diesel, Zoka Zoka, et il avait sorti une première compilation en 2007 et une deuxième en 2009, qu'on va écouter un extrait. Donc c'est Kuduro Sound Systema, et on va écouter ça direct dans le secret du son d'Abba, de cet album, de ce double CD que je vous recommande. Alors voilà, vous allez entendre parler du Kuduro un peu partout, et même la dance music s'y met, entre autres la dance music portugaise. Alors évidemment, tout de suite vous allez voir, hein, c'est pas tout à fait, si vous traînez sur le web, c'est pas tout à fait le même son. Là on est vraiment sur des choses minimales, très très africaines, voilà, avec une tchatch d'enfer et un rythme terrible. Brut, c'est pour ça que je parlais de Ghetto House tout à l'heure, le son de Chicago qu'on aimait bien, et voilà, il y a vraiment... Il est là aussi, dans le Kuduro. Il y a un pont entre les deux. Kuduro, donc dans le secret du Sonoba, on poursuit avec un extrait du Kuduro Sound Systema. Você garina popozuda, se tu já tem a saia curta, entra na roda, vem dançar, a nova dança que está dar. E Tomás, toca lá, toca lá, toca lá. Carina Fofandó, toca lá. A Yola Araújo, toca lá. A Bruna Tatiana, toca lá. A Ilha Margarete, toca lá. E este Rangel, Sambizanga, de Viena, toca lá. E este Luanda, de Benguela, Kwanza Sul, toca lá. DJ Favela Tom, toca lá. DJ Tilamugue, toca lá. DJ Tilson Janota, toca lá. O DJ Mário Rosa, toca lá. DJ Sinobia Ué, toca lá. O DJ Solobá, toca lá. DJ Tonori Ué, toca lá. Tu Tilamu é popozudo, o meu candão é popozudo. Você é garina popozuda, se tu já tem a saia curta, entra na roda, vem dançar. A nova dança que está dali, toma, toca lá, toca lá, toca lá. Garina Fofandó, toca lá. Patrícia Faria, toca lá. Erika Nelumba, toca lá. Anila Borja Ué, toca lá. Analti Nadiai, toca lá. Baixá, baixá, baixá. Toca lá. Baixá, baixá, baixá. Toca lá. mundo está batendo na nossa city. Todo mundo vem cá dançar e tomas tocar, tocar, tocar. Toca lá. Tomas tocar, tocar, tocar. Toca lá. Veia a dança do momento que está batendo na nossa city. Todo mundo vem cá dançar e tomas tocar, tocar, tocar. Toca lá. Tomas tocar, tocar, tocar. Toca lá. O saboroso assim. Toca lá. O mestre Araxê. Toca lá. O Nepixi Xaxê. Toca lá. Adilson da Gruta. Toca lá, ali um dragão. Baixa, baixa, baixa. Toca lá, baixa, baixa, baixa. Toca lá. O Gota com Subindo. Toca lá. Salu com Sábio é. Toca lá. O Gota Pedro Bem. Toca lá. Aqui o Dom Germain. Toca lá. Aí o Rui Gomes. Toca lá. O DJ Revolution. Toca lá. DJ do Marcelo. Toca lá. O puto Dom Bolão. Toca lá. Porque eu não vou trocar, tocando o guitarra para rodar. Toca lá, toca lá, toca lá. Toca lá, toca lá, toca lá, vá, vá. Son las 11 de la noche, que estamos con más canciones. Après le minimal Kuduro de Fofando avec Tokala, tiré de cette deuxième chouette compilation de Kuduro Sound System sorti en 2009, on vient d'écouter El Hero de la Cumbia avec le morceau Baila sobre el Futuro. Et vraiment un très chouette album de El Hero de la Cumbia. Qui, alors qu'on aurait pu croire que tout a été fait en électro-cumbia, digital-cumbia, en l'espace de 3 ans, et ben, il revisite encore le genre cumbia en revenant un peu aux sources de la cumbia. Et on notera aussi la sortie très prochaine en cette fin 2011, une très très belle et très attendue coffret double album ou triple album chez Sunway, un gros travail d'archivage de cumbia, première main, roots on va dire, d'un gros travail qu'a fait toute l'équipe de Sunway en Colombie, ces derniers Mexique, etc. ces derniers mois, ces dernières années. Et ben pour revenir à El Hero de la cumbia, ben, il a joué dernièrement à Paris avec la star du moment de la blogosphère, Max Le Daron. On en reparlera j'imagine dans d'autres émissions. On poursuit avec, on parle de Max Le Daron, et ben on s'y approche avec Maluka. Maluka c'est un duo en fait, vous allez voir, un producteur Maluka et puis une chanteuse. Là c'est un remix tiré de la compilation que vient de sortir Diplo sur son label Mad Descent. Le morceau s'appelle El Tigueraros et voilà, on reste sur le dance floor, on se bouge les fesses. Maluka dans le secret du son là-bas. Tengo fly, tengo party, tengo una sabesura. Lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi. Tengo todo, papi, tengo fly, tengo party, tengo una sabesura. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. smoke we not sniff Charlie. So me have to big up the legend Bob Marley. Very fun anytime y'all call we. Same so we both see Roberto Cavalli. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. Benz and Bimas and Hardy. Yo can you in the cup we not party. Here with the LSC we not drink no Bacardi. No Ben Sherman give me a money. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. We smoke, we not sniff Charlie. So me have to big up the legend Bob Marley. Gyal dem bubble up themselves and them go on naughty. No farmer kung fu we no deal with karate. But a many one people a me come a talky. Call me a yardie, call me a yardie. Ya fight through rights like Marcus Garvey. Call me a yardie, call me a yardie. Ya fight through rights like Marcus Garvey. Yeah, gyal hear me voice and I run like tsunami. She love me at the touch, tell me this one a yardie. She a wine for me something like a Texas star. Then they be my to the Benz, take the Lexus from me. Call me a yardie in a me John Darty. We still a party all when me reach 40. Fly go America, me see some real yardie. They Africa with Naya Bingi a party. Japanese yardie, European yardie. Everywhere we turn, mommy earn me a yardie. We are Jamaicans and we proud of we nation. But when we fly out them car, we a yardie. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. Benz and Bimas and Hardy. No can look in at the club, we not party. Give with the NSC, we not drink no Bacardi. No Ben Sherman, give me a money. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. She's a road where you come from, all your chats up. She like a fucking style and all my rocks up. Me tell her to me day up on a vacation. She say, oh, first me and me to Jamaica. Call me a yardie. Le MC Grimm et Dancehall anglais enfin dans le secret du son là-bas avec son petit tube hein, quand même Call Me Yardie, je sortis je ne sais quand, courant 2011, début 2011, très très bon morceau Dancehall qui fait son effet, hein, il fait bouger les fesses, voilà, comme il faut. Et juste avant, on avait Maluka, entre mauvais goût et opportunisme total, c'était pas mal vu aussi. Voilà, on quitte le dance floor. Non, on va y rester, t'es fou. Ah, c'est cool. Et on reste dans le mauvais goût. Ouais, on prend les mêmes synthés, on les transporte au nord de l'Afrique du Sud. Ah, bah voilà. Donc dans la région de Limpopo, nous avions été faire un tour pour découvrir le Shangaan Electro, cette version donc électronique, c'est un bien grand mot, hein, parce que c'est avec les bouts de circuit imprimés qui restent sur les bécanes qui font du son, les garçons. Inspiré du Tsonga, danse traditionnelle de la région de Limpopo, donc entre Mozambique et nord de l'Afrique du Sud, qui avait donc ensuite essaimé sur les dans les townships d'Afrique du Sud. Et là on retourne dans la région de Limpopo, on retourne vraiment là où ça se passe avec le pasteur Foster Mangani, puisque c'est un pasteur, donc c'est la fête au village version pastorale. Donc ça toujours mieux que les gospel évangélistes, hein, sûrement. Voilà, c'est il y a un côté vraiment le son typique du Shangaan Electro, donc très très 8 bits, très très très cheap comme ça. Presque 6 bits hein, des fois. Hein. Parfois 6 et demi avec le côté hyper speedé dans les mouvements de danse que cette musique encourage, et puis à la fois complètement décontracté dans son chant, et puis cette manière de répéter inlassablement les mêmes motifs. Vous vous en lasserez bien avant le gars. Donc ça sort chez Honest John, le label londonien. On retrouve d'ailleurs derrière ce label plus ou moins Damon Albarn, donc qui avait déjà sorti la compile Shangan Electro New Wave Dance from Music from South Africa. Donc c'est toujours eux, à croire que c'est les importateurs officiels du Shangan Electro en Europe. Foster Mangani avec le morceau Moya Wanga sur l'album Nizi Teke Rienzo. C'est parti. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Nyikuyanga, nyikuyanga, nyikuyanga, nyikuyanga, nyikuyanga, Mamado, mi velela. I say the mamado, say the la kema mutar la jabe mbi welala mamadu jabe ala mi fisine juguma barika mbe bunya jo barika lalie tumani da bunya de barika lalie jabi kasama farafina Symétrique orchestra de Toumani Diabaté dans Le Secret du Son d'Abba. On avait déjà écouté, mon cher Rigoula, Toumani Diabaté à quelques émissions de cela. J'expliquais que j'étais tombé par le fruit des rencontres de proche en proche sur la musique de ce garçon et que j'en étais tombé baba, très juste. Fan de son jeu de kora, bon, c'est tout sauf un inconnu en Afrique de l'Ouest, ce musicien malien. C'est une star. Hein. C'est une star. J'étais bien le seul à ne pas le savoir. Je poursuis tranquillement quand j'ai le temps dans sa discographie. Est-ce qu'elle est assez dense, sa discographie? Moi, je ne m'en rends pas du tout compte. J'y vais au fur et à mesure. Moi, j'ai repéré peut-être une petite dizaine de disques. Mmh. Tu n'es pas tout jeune, là, du coup, tu m'as dit. Tu m'en demandes beaucoup. J'ai pas bossé sa bio de fond en comble. Tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui a suffisamment de reconnaissance aussi pour se faire produire, pour avoir un son qui tranche un petit peu avec le Shangan électro qu'on s'est fait précédemment. Là, on est plutôt sur du 50 000 bits, tu vois. Il y a de la production, c'est mixé à Londres, ça sort chez World Circuit et Nonesuch. Donc quand je dis ça sort, c'est sorti puisque ça a déjà 5 ans. Ça s'appelait Boulevard de l'Indépendance, du nom de cette célèbre artère de Bamako. Et c'est donc composé, donc le Symmetric Orchestra, c'est une bande de, j'imagine, plus ou moins variable, d'une trentaine voire plus de musiciens qu'on retrouve tout partie d'entre eux sur ce disque. une bande qui a pris ses quartiers donc dans un hôtel Bamako, un club de Bamako qui s'appelle Ogon Club, dans lequel, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant longtemps ils jouaient tous les vendredis, donc avec des bœufs interminables comme on les imagine et passionnants. Donc on peut aisément imaginer que les 9 morceaux de cet album sont tirés ou ont été construits à partir de ces sessions publiques. En tout cas, ça donne quelque chose de très savoureux. Je disais hors antenne, c'est un peu le disque pour les mamans parce que c'est quand même très mélodieux, très facile d'accès. Et très beau. Mais ça reste très beau. Ça guinge. Par moments, c'est tristounet. Il y a des côtés comme ça, langoureux. Les atmosphères varient. C'est vraiment un très, très beau disque. Peut-être un poil trop lisse, diront certains, mais bon, de temps en temps, pas, ça fait pas mal. C'est pas Real World, c'est World Circuit, hein, je précise bien, et de temps en temps, ça fait du bien, voilà. Et puis, si vous savez pas quoi offrir à vos mamans, c'est l'occasion. Avec un son qui craque un peu plus, vous allez voir, on va découvrir Mono Mono. Alors, Mono Mono, on les avait quand même découvert, entendu parler sur les super compilations sorties par le label Sunway, les compiles Nigeria Special et Nigeria Rock Special, sorties dans les fins des années 2000, 2006-2007. Et là, du coup, Sunway ressort les 3 premiers albums de Johnny Hasthrup donc, et son groupe Mono Mono. Donc ça date de 71, 72, 73, si je les ai en tête. On va écouter un extrait de ce premier album qui vient donc d'être édité par Sunway, qui est une pépite entre blues ou rock, US, mais version afro, évidemment, en direct de Lagos et de Afrobeat. Alors, quelques temps après, le leader de Mono Mono, Johnny Hasthrup, ira bécoter les petites gonzesses de Fela, c'est ça que t'avais dit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il s'est pas compté. Mais il partageait, pas... voilà, il partageait tout. Il partageait tout, et donc voilà, avec son pote. Bon, ils se sont brouillés un peu, évidemment, et Mono Mono, on écoute un extrait, Give a Beggar a Chance. Et puis voilà, je vous le conseille vivement. Ce titre donne, je sais pas, il a moitié prémonitoire sur ce qui s'est passé ensuite, quoi. Un peu. Mono Mono dans Secret du Son d'Abba, c'est reparti. Got no hopes to leave. Yeah. À l'instant, Natural Self avec le morceau Les Noirs, tiré d'un maxi sorti sur Sofrito Records en 2010. Un maxi qui était un peu passé là, que je n'avais pas vu passer là, et je redécouvre. Joli petit morceau qui guinche comme il faut, alors que la température continue à monter dans le studio, alors que la tempête gronde dehors. Et bien, nous, on est bien au chaud, on écoute du bon son. Caliente. Et on va repartir un peu. On va finir coulisse. C'était coulisse finalement. Cette émission un peu club, en fait. Peut-être qu'on a promis trop ceux qui étaient montés sur la table direct. On peut-être été déçus. Ouais, mais ce sera pour une autre fois. On les prie de nous excuser pour peut-être cet emballement un peu prématuré. On va terminer avec Scroobius Peep. Petite sensation du moment de la rentrée 2011 là, du second semestre, peut-être un peu exagéré, ça reste un bon album, le Distraction Pieces de hip-hop à l'anglaise, avec une production quand même où on sort quand même les gros moyens. Il y a du beau monde derrière, il y a du Richard Russell de XL Recordings à qui on devait là, le dernier album I'm New Here de G. Scott Heron, et qui a produit la version remix par Jimmy XX. Il y a un gars qui est passé faire 2-3 tournées aux côtés de Trent Reznor aussi, qui est de la partie. Il y a les gars Sage Francis et POS qui viennent poser leur flow. Donc il y a du beau monde, il y a de la production. C'est peut-être parfois un peu rond. Alors en allant regarder les chroniques à droite à gauche, j'ai trouvé autant des gens hyper enthousiastes que des gens qui détestaient ce disque. Moi je serais entre les deux, je dirais que je passe un bon moment à l'écouter, d'autant qu'il est très bref, que ça passe vraiment tout seul, qu'il n'y a pas de longueur, tout se tient, tout s'enchaîne parfaitement. Il y a quelques petits tubes à l'image du morceau The Struggle avec son gimmick de prix chez Canned Heat. Il y a le Try Dying qui se la joue un petit peu à la Saul Williams, justement, sur ces morceaux remixés, enfin travaillés par Trent Reznor. Il y a des pendants un peu comme ça. Ça plaira énormément, je pense, aux gens qui aiment Soul, qui aiment les trucs comme ça, un peu hip-hop chanté. J'ai plus d'autres forcément de trucs en tête, Why, etc. Tu vois, ces trucs-là. Mm-hmm. Bref, c'est plutôt sympa. Et on va s'écouter le morceau Broken Promises. Pour se quitter. Chouette morceau. Tout cool. Moi, j'adore le flow de ce rappeur, de toute façon. Donc, je vous encourage quand même à jeter une oreille et surtout à revenir vers ces disques précédents, notamment composés par le producteur anglais Dan Lesac, qui vraiment fait des chouettes petites perles de électro hip hop avec très très peu d'idées et ça marche tout seul, notamment l'album Angle ou l'album de Logic of Chance, mais j'ai surtout écouté l'album Angle qui était sorti en 2008. Voilà, faites un tour pour découvrir l'univers de Scroobius Peep sans vous emballer, mais Il y a de quoi faire. On se quitte avec l'anglais dans le secret du son d'Abba. Bonne soirée, bonjour, à très bientôt. This is to anyone out there that's listening. From everyone that ever let you down and went missing. Lovers, parents, best friends and siblings. Sometimes life conspires to make liars of good men. This is to anyone out there that's listening. From everyone that ever let you down and went missing. Lovers, parents, best friends and siblings. Sometimes life conspires to make liars of good men. I'm sorry I wasn't who you thought I was. Fuck it, I'm sorry I wasn't who I thought I was. I said no matter what, I'd always be there. But that wasn't honest, because I'm not. And because that ain't how life goes, broken promise. Growing up, I always thought I was one of the good guys. I thought it was black and white like that, that I could nurture my good side. But I've caused hurt and I've stripped pride, both on the surface and inside. I wasn't cursed with a dark side, I was just normal. Average, regular, nothing special, I'm telling ya. Just being human makes you both God and the devil's clear replica. I've had my emotions crushed and maybe crushed a few along the way. And at the time, I meant every single word I would say. Every word of love and every word of hate. Every time I would adore, and every time I'd berate. But time passes, and sometimes those emotions fade, making lies of both the threats and the promises made. But is a lie really a lie if you mean it at the time? How can a lie be a lie if you mean it at the time? A lie can't be a lie if you mean it at the time. How can a lie be a lie if you mean it? This is to anyone out there that's listening. This is to anyone out there that's still breathing. I bought the Heartbreak Hotel on my own with no investors. Closed it down and opened the fuck you get over it bed and breakfast. In loving memory of having loving memories, of combustible emotions and of having real enemies. Typically poetically dramatic endings were once a trademark of mine, patents pending. And the mighty height of emotion on parting ways was always grander than the connections of the early days. When we were fighting, there used to be thunder and lightning, ferociously frightening, a clash of the titans. Emotions heightened, every single muscle tightened, an addiction to the thrill of the fight, the excitement. Love at first sight always seemed unconsidered. I'd rather love at first fight and then on to double figures. An unconditional love, well, that just means nothing. In love with the mere idea of loving something. Always just hunting for that near-life experience, in fear of missing something vital from your own existence. All your emotions subconsciously thought out and scripted. Less about how you're feeling, more about how you fucking depict it. But all that stops when one day you just decide to stop playing along. That point in time when the most amazing things in the world can just as easily seem pedestrian. You've lost both that loving and that loathing feeling. Turns out hell does have a bottom and heaven a ceiling. Both love and hate become opaque in time's wake. A face that once summoned rage now summons nothing. Whether it's emotions tethered, nerve endings severed, or just the outlook you acquire when you're a little more weathered. Remaining conscious of this all and in a way feeling above it. Still feels like bad riddance to good rubbish, but is a lie really a lie if you mean it at the time? How can a lie be a lie if you mean it?